Vous êtes dans la zone 89.1. Siffle dans tes oreilles. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On apprendra des vérités de la vie dans la chronique éducative, c'est un fait. On parlera avec une des comédiennes de la pièce Lapin Lapin, présentée par le Théâtre des Nouveaux Compagnons. On établira une liste sur un sujet donné dans le segment Son foutu palmarès. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 7 avril 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. C'est JP. Salut. Passe une belle fête de semaine. Oui. Elle a bien terminé, je crois, ta fête de semaine ce matin. Oui, ben, c'est rare qu'une fête de semaine se termine lundi matin. Oui, c'est ça. Mais on pourrait croire que oui. Est-ce que tu as bu tant que ça pour faire cette erreur-là? Raconte-nous ton histoire, Jean-Philippe. Ben, c'est vraiment très nul comme histoire. Je suis juste allé faire l'épicerie en fin de journée hier. Ouais. C'est ça, vers 7h, parce que je suis allé magasiner pas mal toute la journée dimanche. Fun! Ben oui, puis là, on a fait l'épicerie pour la semaine, tu sais. Bon, classique, tu sais. Donc, on arrive avec les paquets, puis bon, c'est ça, on avait acheté de la bouffe à chat, tu sais, puis ben des trucs. Puis, ben c'est ça, fait que là, on a pris mon auto avec ma copine, fait que là, j'ouvre la porte de la maison. T'sais, le trousseau de clés, j'ai bon, okay, je dépêche, on a faim, je me dépêche à commencer à faire à souper. Elle défait les affaires, bon, ok, bon, c'est bon, finalement on se couche. Hein, pour faire une histoire courte. Oui, c'est ça. Non. Est-ce que tu t'es brossé les dents, c'est important de la l'histoire? Oui, oui, okay. Je me suis brossé les dents, puis c'est ça, j'ai mis mon pyjama, ouais, mon one-suit. Ton one-suit, avec un petit chapeau là, de avec, lapin. De lapin, ouais, ben c'est oui. Ça, puis, un petit bouboule. Oui, puis deux boutons en arrière pour pouvoir faire... Évacuer la pression. Exactement! Et puis ce matin, donc là, ben, je me lève, je déjeune, je me brosse les dents, je mets mes souliers, et je mets des nouveaux lacets. Oh, hein? Hein, parce qu'ils étaient cassés. Ça, c'est important. Oui. Et puis, ben là, je commence à être nerveux puisque je mets souvent mes clés à la même place, tu sais, comme tout le monde. Ben oui, t'as un endroit, un drop spot. C'est ça, exactement. Oui. Puis là, je les trouve pas. Je me dis, ah, c'est parce que je les ai laissés dans mes pantalons de la veille. Oui. Donc, on va chercher dans la panière à linge. réveille tout le monde. À quoi le chat? Je trouve pas mes clés. Donc là, je fais, ah, mon manteau. Ben oui, JP, ben oui, le manteau, on est encore l'hiver. Donc là, pas dans le manteau. Je fais, bon, ben voyons. Là, finalement, le chat, ben, arrête pas de me gosser pour sortir pendant tout ça que je stresse parce que là, je vois l'heure passer. Puis là, finalement, ben, j'ouvre là, la porte pour sortir le chat. Puis mes clés étaient restées accrochées à ma porte de maison. Dans toute la nuit dehors. Avec mes clés d'auto. À la vue. Toutes. Et moi, je voulais te demander, est-ce que tu as vérifié dans tes fesses? Parce qu'on se rappelle, la dernière fois que tu as trouvé quelque chose, c'est dans tes fesses, je pense. Oui, c'est vrai. Télécommande, je pense. Télécommande, le chat. Le chat aussi, oui. Puis ma belle-mère. Ta belle-mère. Donc, ben, heureux que tu les aies retrouvés. Heureux que tu sois là exactement au bon moment pour Assemblage requis. Oui, puis commencer une anecdote qui dure 5 minutes. On aime ça. Oui. Yes. Simili punché. Non, t'es bonne. Ouais. J'avais préparé mon histoire pot punch, je n'ai pas eu besoin. Ben ouais, écoute, je suis fier. Vraiment, là, c'est réussi. Ouais, t'as un bon club sandwich, j'ai utilisé du simili quelque chose. Ouais, mais ben, au moins, je vais pouvoir m'en servir là, par exemple. Histoire pot punch. Je te rends la tâche facile. C'est ça. Je voulais pas que t'aies préparé ça pour rien. Merci, JP. Je fais ça pour toi. Donc, aujourd'hui, l'émission Assemblage requis, évidemment, c'est votre émission matinale en pièces détachées. Et on est toujours en direct comme ça. Ce lundi matin, on débute la semaine en beauté avec Alexandrine Pichessire, qu'on reçoit l'habitude le mercredi pour sa chronique La crème de la crème. On l'a aujourd'hui en performance spéciale. On la reçoit en tant qu'actrice comédienne de la pièce Lapin-Lapin, présentée par le Théâtre des Nouveaux Compagnons. Oui. Puis ça, c'est pas une pièce. Attends. Ah, bah non, on la fera tantôt. Tu la feras devant elle, hein? Ben oui. C'est ça, vraiment garder le stock et le bon stock pour en présence des invités de marque. J'ai très hâte à ça. Donc, c'est à 9h, Alexandrine Pichessire. Autour de ça, nos chroniques maison. À 8h30, son foutu palmarès. On va débuter, par contre, avec C'est un fait dans quelques instants. Ça, c'est bon, c'est pour commencer. Je suis en train de me noter ma joke, là. Ah, tu... Moi aussi, je fais ça des fois. Gag à insérer plus tard. Oui, c'est ça, exactement. Mais on commence avec, tiens, un gag qu'on a débuté au Palmarès C'est fou lorsque Justine Renaud était avec moi jeudi dernier. Oui. Tu sais ce que ça donne quand tu laisses des personnes âgées à la piscine de l'Expo à l'heure de température estivale? Qu'est-ce que ça donne? Je sais pas. Les vieux hiboux. Ah! C'est les vieux hiboux, c'est supposé être les, comme des hiboux, comme le, la bête. Là. Ouais, ouais. Mais, les c'est vieux, qui chante ça? C'est Catherine Leduc. Anciennement c'est le Tricot Machine. Le nom de l'album, c'est? C'est Rookie. Ouais, c'est des roues qui se noient. Des roues qui se noient. Des roues qui se noient. C'est Rookie comme une recrue. Deux bons gars. Ouais. Ouais. À Lévis-Hibou. De Catherine Leduc. Oui, anciennement et toujours sûrement de Tricot Machine parce qu'elle travaille encore avec Mathieu Beaumont. Oui, ben c'est un nouveau projet. Exactement. C'est ça. L'album s'appelle Rookie, la pièce Les Vieux Hiboux. Vous êtes à Assemblage Rookie. On débute toujours le lundi avec notre classique. Voici C'est un fait. C'est un fait, clap, clap. C'est un fait, clap, clap. C'est un fait. Je pense qu'on n'aurait jamais fait une fois pareil. Non, mais c'est ça la variété de la chose. C'est ça qui est fun. Oui, oui. C'est ça que les gens recherchent. Oui. Du talent, comme ce qu'on a à leur offrir, n'est-ce pas? Donc, c'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques et véritables et vérifiables. C'est-à-dire qu'on propose des choses qu'on a trouvées sur Internet et on doit essayer de trouver, nous, si c'est vrai ou si c'est faux. Non, c'est pas vrai. C'est supposé être tout vrai, là. Mais il y a des affaires, des fois, qu'on doute un petit peu. Ah, on va avoir du flum. Du flum? On va avoir du flum. Oui, monsieur. C'est le flum de bonheur.

Cette ville n'est pas assez grande pour nous deux. Horses Fell, moi je peux reconnaître un cheval par ses fesses. Oui, The Darcy's aussi sont capables. Oui, c'est ça, The Darcy. Au retour, plus de cet effet, Assemblage Requis, restez là. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon retour, c'est toujours Assemblage Requis. On se lundi, on est le 7 avril 2014, il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Dans quelques instants, on va faire revenir presque une chronique qui n'a pas lieu très très souvent. Donc on vous réserve la surprise dans quelques instants. Avant ça par contre, une petite pièce de Radio-Radio. Ah d'accord. On s'en entend de Cheville Zoo. OK. Ouais. On pourrait... ça tente-tu d'en écouter une autre? Oui, j'aimerais ça, en fait. Que tu, maintenant que tu le dis, j'ai, là, je suis comme tout excité, puis je pourrais pas me lever pendant moins une demi-heure. Ah. puis comme elle dirait... est-ce que t'as vu le film Présentateur vedette? Non, mais je veux. OK. Ouais. Non. Oui. Mais dis-le donc. Parce qu'à un moment donné, dans le 1, parce que là, ils ont sorti le 2, oui. Il me semble qu'il prend... où il se fait mettre du Viagra dans son verre. Et puis, ben, justement, là, il est... Ben, ça, faudrait qu'il reste assis. Mais lui, il se lève, puis il passe dans tous les bureaux de tout le monde. puis là, c'est ça, il dit à tout le monde qu'est-ce qu'il regarde. Puis à un moment donné, sa phrase clé, c'est « Ne me dites pas que ça vous laisse pas rêveur ». j'ai adoré cette réplique. Bon. Est-ce que je nomme des titres? Est-ce qu'on y va de cette façon-là? Oui. Ça, des fois, c'est une très bonne tactique. On connaît Fifty Shades of Beige, qui joue un petit peu ailleurs. Sinon, il y a Boomerang pour la fun, ça, c'est nice. Holiday, Bachelor Party, Chained Together, Suhold, Pastarasta, Psych et Debt. J'aimerais ça entendre, je sais pas pourquoi, la deuxième. La deuxième, Boomerang, tout de suite. Oui, on va essayer ça. Radio, Assemblage Requis. Ça, c'est fou. Hein, ça te laisse rêveur, hein, ça. Ah oui. Je veux la all out, Boomerang, 20 back de même. Je veux la all out, Boomerang, 20 back de même. Boomerang, damn, Boomerang, I part my back, my Boomerang. Je veux la all out, Boomerang, 20 back de mon Boomerang. All out, Boomerang, 20 back de mon Boomerang. Boomerang, damn, Boomerang, damn. Papa Casso, Escobar, comme un superstar. High Mickey Mark, so pressed to look. Voyeur, qu'est-ce que check a stir? Back of the bank, cash a check a stir. Non, sir, si c'est rendu là. C'est pas that beau comme un coup de ça. Coup de grâce, oh, qu'est-ce qui se passe? Avec un into, out to gang la ho. Back a gum ho, comme un gros bateau. Une botte qui botte les autres bottes. Some shock, ça shot comme un oyster bay. Slang, all out, boomerang. Join my tribus, join ta gang. All out, boomerang. Fat block walked in planet slang. Scream and shout, north and south. Cock is to my UV light, mushy gung ho. Come on, promenade, mushy gung ho. Gabba gabba tay, mushy gung ho. Fais le bois d'idée. Où tu passes la soirée, mushy gung ho. Toi tu parais, mushy gung ho. Les yeux bandés, mushy gung ho. Sans se demander, cause un job qui va se passer, mushy gung ho. Come on, boomerang. Mushy gung ho. Come a boomerang, mushy gung ho. Come a boomerang, gung ho, come a boomerang. Can't say tu dis que c'est easy. Ça c'est gung ho, cherche pas te blazer. Hey sir, I'm off the blazer. I'm back dans ta butt puis drive ta laser. Front shot about the chaser. Boomerang c'est la shit de même. Moi j'aime ça comme le candyman. Think tank, a tank a toy. Dis-moi que ça flotte comme un boy oh boy. Boy oh boy oh boy oh boy. Boy oh boy oh boy oh boy. Check ça, et Loki boy. Dans ça on a, faut que t'y pousses des coy. Faut que t'y pousses des coy. Faut que t'y pousses des coy. J'veux la all out, boomerang, 20 back de même. J'veux la all out, boomerang, 20 back de même. Boomerang, damn, boomerang, I part my back, my boomerang. J'veux la all out, boomerang, 20 back de mon boomerang. All out, boomerang, 20 back de mon boomerang. Boomerang, damn, boomerang, damn. Je veux la all out boomerang, 20 back de même. Je veux la all out boomerang, 20 back de même. Boomerang, damn, boomerang. I part my back, my boomerang. I part my back, my boomerang. Boomerang de Radio. C'était quand même pas difficile à deviner que ça s'appelait Boomerang. Là. Non, oui, c'était pas difficile à deviner que c'était Radio, parce que non. Ça sonne Radio. Voilà. C'est un deuxième extrait de leur album Hush Feel Zoo. On est habitué d'entendre Hush Feel Zoo. Voilà. Vous êtes à Assemblage Requis et une fois par année, je pense, depuis quelques temps. En fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas reçu quelqu'un de la Luître pour en parler. Donc voici, dans les presque, si on veut, coulisses de la Luître. C'était juste une excuse pour remettre la chanson thème. Oui, excellente. J'ai l'impression qu'on la réentendra pas vraiment. Je pense qu'on s'est fait un petit peu abandonner par la Luître, mais on les apprécie quand même et on veut quand même mentionner le spectacle de ce soir. Et avant même de parler du match de ce soir, Jean-Philippe, oui. Il se passe quelque chose sur les réseaux sociaux avec la Luître. Oui, monsieur. Ben écoute, moi, j'ai vu ça avant de me coucher hier soir. Donc, ça t'a fait bien dormir, tout ça. Ah oui, j'ai dormi comme un roi. Et puis, donc c'est ça, c'est Philippe Grenier, capitaine... est-ce qu'il est capitaine? Non. Non, il est président général. C'est ça, la Luître. Le PDG, le CEO de la Luître. Oui, monsieur. Donc, qui a publié, puisqu'il fait partie de l'équipe des Rouges. Donc, là, ça me revient. Rouge, capitaine, c'est Jean-René Cocotte-Boutin. Ben oui. Donc, un peu pour narguer l'équipe des Verts, puisque ce soir, lundi, ça va être les Verts contre les Rouges en demi-finale. Donc, l'équipe qui gagnera ira en finale contre les Oranges la semaine d'après. Donc voilà, un petit vidéo pour narguer, je te dirais. Puis c'est un peu dans le style rap battle, un peu. Donc c'est très, très drôle. J'ai ri vraiment très fort hier soir avant de me coucher. Je pense que j'ai réveillé le chat. Ah oui, pour vrai. Est-ce qu'il y a quelque chose de visuel à savoir avant? Ou pas nécessairement, juste dans le fond, c'est on voit les personnes qui vont rap battler. OK. Tous les joueurs vont passer, donc c'est tous les joueurs des Rouges. Et puis, ben, ils sont un peu gangsters, là. Bon, des écouteurs, des petits hoodies. Un petit hoodie. Un petit hoodie. Comme s'ils étaient sur leur webcam en train de parler en mal les autres. Exactement. À la Xbox Live, un peu presque. Donc, les voici, le rap battle de la Luître. Qui est-ce qui va gagner la coupe? Ah, les rouges! Les rouges vont gagner la paire. Watch out, les verts. Je vais te faire une nette. C'est quelqu'un, c'est lui qui va vous éliminer. C'est lui qui va s'arranger, vous allez être un maximum funky. Ça te faut se forcer, ayez pas le new team de la vote. C'est dans ce film, de bonheur, au bonheur. Mais tous nos supports, qui nous font tout le temps des signes de cœur. Faites-vous pas de l'heure, avec Jeff et ses morceaux de mongol. Donc, vous les crapotes, vous aussi qui vous mystique. Et qui me charme aussi, Alex Marchand. Le plus terrain que vous gagnez de place. Pour les Yahoo, le public est fou. C'est pour nous, pour vous. Ah, ok, fuck it's l'heure, donc tu la loupe. Fuck les vibes. Ha ha. Tu l'heure, donc tu la loupe. Yo, moi c'est Phil, alias Fellyboy 66. Dans les rouges, j'suis un fil de connexion, un fil de construction, un fil d'émancipation. Fil orange, fil bleu, fil vert, j'fil pas mêlé, j'sais quel fil couper. Quand les deux fils se touchent, man, les deux filles se couchent, man. Quand les deux fils se touchent, man, les deux filles se couchent, man. On dit que l'important, c'est de participer, mais en demi-finale, gagner, c'est pas banal. Les rouges ont le feu vert pour affronter les verts, pour les mettre à l'envers. Magali, Oli, Pizweki, la camaraderie, c'est fini. Que j'en vois pas un dire que le rap, ça pas rap. Message au capitaine concerné pour avoir apprivoisé le plus barbu des verts, pour connaître son repère, je suis capable de le faire taire. C'est Myriam Lortie qui sort avec Antoine Alex Lacasse, c'est lundi soir que ça se passe. Jean-René Boutin s'apprête à faire de la casse, à vous faire manger du boudin. Les rouges ont le feu vert pour affronter les verts, pour les mettre à l'envers. Les perles, on s'en fait des colliers. Lundi soir, les mollusques vont tomber. Attitude. Quand même. Yo, MC Alex is on the set. Watch out, parce que notre équipe est prête pour le test. On va passer en finale. Rythme est dynamique, notre équipe est géniale. Je suis peut-être juste le substitut, mais tu trembles à entendre mes rimes qui tuent. Yeah, les verts, vous êtes mieux d'être prêts. Vous allez voir rouge, pis pas à peu près. Notre répartie qui dépasse l'infini. Fuck les mathématiques. Avec nos punchlines, on fracasse des prix. Nos mises en scène qui défient toute logique. Pis notre chimie d'équipe qui est juste magique. C'est Alexandre Marchand des Rouges. Oui. Hey, la case, c'est lundi que ça se passe. Puis si tu veux mon avis, toi pis ton équipe, ça casse. Puis je vais avoir votre attention. Que l'équipe qui va gagner la coupe se lève. Je répète. Que l'équipe qui va gagner la coupe se lève. Eh oui, je parle des rouges, t'as pas semblant, vous savez pas ce qui se passe. Quand les rouges débarquent, le vert, ils mangent la claque. Y'a toute la chasse qui rit, le boutin pis ses cheveux gris. Et puis y'a Philippe Grenier lors des troisièmes entrées. Watch out, Myriam Lortie en mix a démoli. Notre ennemi, Zwicky, c'est fini l'empathie. J'pense que le message est clair, pis là, je parle au vert. Ça sert à rien de pleurer, c'est nous qui va gagner. Hey! Wow, Jean-François Latour, des rouges aussi. The Tower, Latour. Ouais. Wow. C'était Eminem, ça. Oui. Ah oui, puis il a vraiment repris le style, c'était drôle. Oh oui, le déguisement aussi était là. Oui. Donc c'était le rap battle pour le match de la lutte de ce soir. J'en oui, fait, vous pouvez aller taper ça, je pense, sur YouTube si jamais vous voulez montrer ça au bureau, puisque c'est très drôle. Oui, en effet. Demi-finale qui a lieu à 19h30, comme toujours, gratuit. Oui, c'est la chasse-galerie, donc attends rapidement parce que... Yo. Je vais te dire qui joue ce soir. Oh là là là là. Donc tout d'abord, ben, c'est évidemment, on a compris, c'est les rouges contre les verts. Oui. Donc les rouges qui sont représentés par le capitaine Jean-René Boutin avec Myriam Lortie, Philippe Grenier, Jean-François Latour et Alexandre Marchand qui est substitut. Et également dans l'équipe des Verts, Antoine Lacasse, capitaine qui descend de Québec hein, à chaque fois pour pouvoir vous jouer ici. Donc Antoine Lacasse, capitaine, Olivia Pinard-Terrien, Magali Brousseau-Arcan, Alexandre Laramizouki et Thomas Gadret. Gadret, substitut dans substitut son cas également. Il n'y a pas eu de vidéo rap battle pour les Verts encore, donc on a l'air d'être partisans ou d'avoir oui, un parti pris, mais non. Peut-être dans la journée. Peut-être. Va poindre une petite réponse des Verts. puisque c'est ça. Il y a ça. En effet, c'est un bon point. Oui. Donc, ce soir, c'est les élections provinciales, comme ils nous le rappellent sur la page Facebook. Donc, ne choisissez pas entre les deux. Faites les deux. Mais finissez par la lutte, parce que ça va être fini, les votes. Hein? Oui, ça va être fini, mais ça va être le dévoilement. Mais c'est pas important. Là. Vous allez le savoir le lendemain. Là. Ben, c'est ça. De toute façon, c'est bien évident qu'il va gagner. Oui. Suivez le cahier spécial dans le zone campus. Cahier détachable. En fait, c'est un cahier détachable qu'on va avoir dans le zone campus, sauf qu'on le mettra pas déjà l'avoir détaché. C'est ça. On l'a fait pour vous. Ça sera à vous de l'insérer si jamais vous avez besoin. Et voilà. Voilà. Donc, le match demi-finale numéro 2, rouge versus vert pour la Luitre. Ça se passe ce soir, 19h30, à la Chasse-Galerie. Oui, monsieur. Vous êtes toujours à Assemblage Requis. Dans quelques instants, on continuera. C'est un fait. Génial. Ça va être fantastiquement bon. Mais avançons, on va entendre une nouvelle entrée de l'émission la plus récente des Panneries C'est Fou. Donc, ça a commencé jeudi. C'est la première fois qu'on l'avait entendu. C'est la nouvelle de Tokyo Police Club, un de mes groupes préférés. On écoute leur extrait. T'es misérable. Oh, misérable. Misérable, misérable. Misérable, les misérables. I wanna travel to the future again. I wanna travel to the future. I wanna travel to the future again. I heard about it from a friend of a friend. I wanna live in the Bahamas.

Wow! J'aurais jamais pensé que tu t'enlèverais des points, toi qui pourtant triches d'habitude. Oui, mais c'est parce que j'ai un demi-point, puis là on va arrondir, fait que j'ai un point! Oh! À cause de la maudite scène. Oui. Voilà pour cet effet. Je vous prépare pour la prochaine fois un bloc sur une thématique de la loi. OK. La prochaine fois. Mais pas là, parce que là, on a assez fait des faits. On écoute Tokyo... non, ça, on l'a déjà écouté. Voyons, non, on entend pas. On s'en va en pub. C'est ça qui était le plan. On va en pub. Bon, au retour, c'est sur Foutu Palmarès. Et plus tard, on va parler de la pièce de théâtre Lapin, Lapin, en compagnie d'Alexandrine Pichessire Rastila. Superbe. Superbe. Humounou, humounou, humounou, humounou. Tu veux son nez, c'est comme un cochon. Dans tes oreilles, 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon déneigement, bon lundi matin à vous, 7 avril 2014, 8h40, et les Jean-Philippe Charbonneau. Et les Mathieu Plante. Ouais, les gens déneigent leur entrée. Ben oui, les bancs de neige, c'est important de péter ça. De péter ça, parce que ça sent le caca en dessous de votre chien, pas en dessous de votre chien. Sauf qu'en dessous de votre chien, ça sent pas mal tout le temps le caca, parce qu'il y a des fesses. Puis, non, on parle en dessous des bancs de neige. Oui. Ben oui, en fin de semaine, c'était le festival des gens qui pètent les bancs de neige puis qui mettent ça dans la rue. Ce serait un très bon festival, hein, après le festival Western. Il y a autant pas mal de besoin qu'au Festival Western en ce moment, en dessous des bandages. Bon. Donc oui, toujours Assemblage requis. Vous savez, une fois de temps en temps, quand on a l'opportunité de le faire, on aime sortir une feuille. OK, une bonne petite feuille, tu sais. Ouais. On l'entend, ça, c'est une feuille de papier. Tu as un crayon aussi? Voilà. Tu vas pouvoir écrire avec ton lipsil. Personne ne le savait. Ah, c'est vrai, c'est pour le théâtre. Le théâtre. Oui. Ça nous amène à écrire une liste. Voici son foutu palmarès. Son foutu palmarès, c'est la chronique où on établit une liste sur un sujet précis. Et aujourd'hui, Jean-Philippe, je te propose des expériences scientifiques qui utilisaient des émissions de télé des années 90 pour manipuler leurs sujets. Oh! Intéressant. Intéressant. Hein? Mm-hmm. Donc, si tu veux apprendre quelque chose sur les gens, il faut y aller avec les affaires que les gens aiment. Hein? Ben la oui. Télé, par exemple. T'sais. Donc, on va commencer. Je vais te faire entendre une petite intro d'émission de télé comme ça. Et puis, on va en jaser après. Donc, commençons avec celle-ci. Oh! Qui vit dans un ananas dans la mer? Qui compte bien y faire carrière? La réponse carrée. Si vous avez un souhait, faut-il appeler? La réponse carrée. Qui n'a pas peur des gros méchants poissons? La réponse carrée. La réponse carrée. La réponse carrée. La réponse carrée. Comme les bronzes carrées. Wow. Souvenir. SpongeBob SquarePants, Bob l'éponge a servi aux scientifiques Mitsuru Shimizu et Brian Wansing dans Appetite 57.3 en 2011. Un groupe donc regardait un épisode de Bob l'éponge, en fait des épisodes de Bob l'éponge qui avaient rapport avec la nourriture, par exemple l'épisode Chocolate with Nuts. Un autre groupe regardait des épisodes qui n'avaient pas rapport à la nourriture comme Snowball Effect. Les deux groupes avaient accès à un bol de bonbons. Okay? Donc les gens qui étaient dans le fond d'un côté, qui étaient à la diète, parce qu'il y avait des gens à la diète et des gens qui n'étaient pas à la diète. Les gens qui dans le fond étaient restreints, si on veut, par rapport à leur diète, mangeaient plus en regardant des épisodes qui avaient rapport avec la nourriture. Okay? Mais le type d'émission n'avait pas d'effet sur les personnes qui n'étaient pas à la diète. Donc ceux qui étaient à la diète mangeaient plus en regardant un épisode qui avait rapport avec la nourriture qu'un épisode qui n'avait pas rapport avec la nourriture. Et ceux qui n'étaient pas à la diète mangeaient égal et de bord. Wow, OK. Pouf. C'est wow, hein? Oui. Donc, si on veut la sursimplification de la chose, c'est lorsque SpongeBob a faim, ben, il te force à manger. Bon. Voilà. C'est ce qu'on a retenu de ça, si on veut. Ensuite, une autre chanson thème d'émission de télé pour après ça analyser l'étude qui va avec. Je sais pas si tu vas la reconnaître, celle-là. Ah ben oui. Ça. Ben oui. Bon, ok, ouais. Il y avait une petite intro avant. Oui. C'est l'intro de Paparicole. Ah non. Home Improvement. Non. Rénover les Peugeot, les parents de la région. Donc, c'est Men, Muscles and Machismo. The relationship between television violence exposure and aggression and hostility in the presence of hyper masculinity. Donc, la relation entre la violence, l'exposition à la violence à la télé et l'agressivité et l'hostilité en présence d'hyper masculinité. Par Erica Lee Scherer. De l'université de Syracuse en 1998. On a utilisé Rénover les Peuples Joués, Papa Bricole, et Miami Vice. Les groupes regardaient des émissions hyper masculines avec de la violence, donc ça c'est Miami Vice, et sans violence, ça c'est Home Improvement. Ceux qui regardaient l'émission violente avaient des tendances plus agressives et hostiles après avoir regardé les émissions. S'ils étaient déjà hyper masculins eux-mêmes, l'effet était amplifié en regardant Miami Vice. Eh ben. Donc voilà, c'est ça rend les gens violents. Ah oui. Miami Vice, apparemment. Apparemment. Et l'intro de Papa Bricole, on s'entend qu'elle finit jamais. Hein. C'est pas fini encore. Voilà. Ensuite, allons-y avec celle-là. Au Québec, je sais pas non plus. Il y a bien des choses que je ne sais pas, là, mais. C'est un classique, mais. Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot. Wouldn't you like to get away? Sometimes you wanna go where everybody knows your name. C'est Cheers, la sitcom qui se déroule dans un bar. Santé! Santé, exactement. Chin chin! Donc, c'est une étude de Aaron L. Brownstein et Stephen J. Reed dans Memory en 2007. On a étudié l'émission Cheers. Bien sûr, les sujets regardaient une émission, un épisode de Cheers, ils devaient se souvenir de choses qui se passaient dans l'épisode. Les gens se souvenaient des choses à cause de l'effet du scénario, donc causalité, cause à effet, et non pas la séquence dans l'ordre. Ça dépend. Dans le fond, les informations avaient plus rapport avec le scénario et, mettons, genre, un des personnages, mettons, Sam faisait quelque chose à Diane. Donc, on se rappelle de ça à cause de ça et non pas à cause de l'ordre dans l'émission. C'est ce qu'on essayait de prouver, que c'était plus le. On se souvenait du scénario. Ah ben. Plus que de l'ordre plus des que de choses. Ah ben, OK. Et ben. Ensuite, un autre. Il n'y a que des intros. Je pourrais ne pas jamais remettre mon thème ici. Je pense que ce serait encore mieux. Donc, on va écouter l'intro de Growing Pains, encore une fois. J'ai jamais vu ça au Québec, mais bon. Growing Pains. Ça, c'est vintage. Don't waste another minute on your crying. Évidemment, tous les personnages qui regardent la caméra. Eh oui. Ah, c'est beau, ça, ces intros-là me font capoter. Ben. Les scientifiques Kristen S. Worley et son équipe dans Journal of Attention Disorders en 2003, l'émission Growing Pains, deux groupes, un avec le déficit d'attention et un sans déficit d'attention, regardaient Growing Pains tout en ayant appuyé sur des touches d'ordinateur en réponse à un cue, un petit indicatif sonore. Les temps de réaction montraient que le groupe avec le déficit d'attention était absorbé par les moments importants de l'émission plus que ceux qui n'étaient pas dans le groupe des troubles de déficit d'attention. Donc, Growing Pains, dans le fond, on dit que ça prend plus de temps pour t'intégrer si jamais t'as le syndrome de déficit d'attention. C'est plus difficile pour toi d'embarquer dans l'émission. Voilà. Ah ben, OK. Mm-hmm. Ah oui, ça fait du sens. Ouais, c'est ça. Voilà, plus tard, c'est ça, ceux qui avaient le trouble de déficit d'attention sont arrivés plus tard dans le scénario que les autres. Ensuite, ça, c'est même pas. Celui-là, c'est pas un extrait. J'aurais pu leur mettre mon fond. Oh. Genre 5 minutes, j'aurais sauvé du temps. Donc, les scientifiques Joel Cooper et Grant Cooper, les deux s'appellent Cooper, du Journal of Applied Social Psychology en 2002, ont utilisé l'émission Les Simpsons. Les gens regardaient un épisode des Simpsons avec des messages subliminaux ayant rapport à la soif dans les émissions. Donc, les messages étaient soit verbaux ou visuels. Et le résultat, c'est qu'ils avaient plus soif. Donc, les messages subliminaux fonctionnent. En tout cas, dans les Simpsons. Les effets de Mighty Morphin Power Rangers sur l'agressivité chez les enfants. Donc, par Chris J. Boyatis, Gina M. Matillo et Kristen Nesbitt dans Child Study Journal en 1995. Celle-là, je crois que je l'ai l'intro. C'est dur parce que je suis pas sûr si je les ai toutes. T'sais. Non, je pense que c'est ça, c'est juste un épisode. After 10,000 years, I'm free. C'est bon pareil. Donc on a utilisé les Mighty Morphin Power Rangers, un groupe d'enfants. Regardez un épisode et le groupe contrôle. Donc, ne regardez pas d'épisode des Power Rangers. Les enfants qui regardaient les Power Rangers commettaient des actes agressifs pendant la période d'observation. Donc, si on veut garder les choses calmes, probablement que c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée de faire jouer ça. De faire jouer ça ici. Oh, la zone, j'aimais ça. Mais tu regardais ça pour vrai? Oui. À tous les jours? Ben quand même, oui. J'avais les Power Rangers en bonhomme. OK. Puis c'était tellement bien fait, là. Et ils faisaient, tu sais, j'avais les bonhommes séparés. Puis tu pouvais les transformer pour faire le gros robot, là. Ouais. C'était écœurant. Wow! Une maudite belle enfance. Mais hein, juste chance, à cause de ça. Je suis jaloux, moi. Je suis jaloux. J'essaie de trouver ça. OK. Ensuite de ça, on parle de Blue's Clues. Est-ce que tu te rappelles Blue's Clues? C'est l'émission pour enfants avec un petit chien bleu. Comment? Non, ça me dit rien. Donc, c'est les effets de l'exposition répétée à un seul épisode de l'émission de télé Blue's Clues sur le comportement du téléspectateur et sa compréhension. Donc, on a utilisé des épisodes de Blue's Clues. Des groupes d'enfants regardaient un épisode de Blue's Clues un à la fois. Une fois. C'est ça, OK. Donc, regardez soit un épisode... C'est vraiment déconcentré que tu parles, man, par contre. Je pensais que ça allait être l'intro, là, tu sais. Donc, c'est ça, il y avait un groupe qui regardait un épisode de Blue's Clues, tout le temps le même épisode, une fois, ou cinq fois sur une durée de cinq jours. Plus les enfants regardaient l'épisode, plus ils interagissaient avec l'épisode et plus ils le comprenaient. Donc, dans le fond, on dit que la répétition amène à la compréhension. Je crois que ça, c'était quand même assez évident. Mm-hmm. On n'avait pas vraiment besoin d'études pour ça. Mais bon, ils l'ont fait chez des enfants, donc c'est quand même spécial. Ensuite, on écoute la chanson thème du Cosby Show, tiens. Bill Cosby, évidemment. Classique. Okay. Donc, Lawrence... Vas-y. Lawrence Rosencutter du Journal of Applied Social Psychology en 1999. On a étudié The Cosby Show et Full House. Donc, les enfants regardaient un épisode du Cosby Show avec des leçons morales éparpillées dans l'épisode. Et dans une autre expérience, les enfants regardaient un épisode de Full House avec une seule leçon morale à la toute fin. Même les enfants de première année comprenaient les leçons morales dans une sitcom pour adultes comme le Cosby Show. C'est un petit peu plus difficile pour eux de comprendre la grosse leçon dans un épisode à la fin de Full House. En général, les enfants préfèrent... les enfants qui regardent des sitcoms pro-sociales ont un comportement plus social, particulièrement s'ils comprennent les morales, dans le fond, qu'on donne dans les émissions. Donc, c'est ça. Ils sont capables de comprendre la morale autant que les adultes, même si des fois... On pense que non. Et finalement, tiens, évidemment, ça m'amène à faire jouer la chanson thème de Full House un petit peu. C'est pas la première fois qu'on l'a fait jouer à l'émission, on dirait. Mais bon. Donc, l'équipe de Theodore Cooper, dans Eating Behaviors en 2006, on a étudié Full House et Wonder Years. Un groupe regardait une émission active, donc un épisode de Full House, et un autre groupe regardait une émission plus passive, The Wonder Years. D'autres conditions dans l'expérience étaient de se reposer sans regarder la télé et lire une histoire. Aucune différence dans le métabolisme de leur corps entre les deux conditions. Donc, leur métabolisme, attends un peu, on parle d'obésité là-dedans. Ouais, c'est ça. On parle d'obésité. Donc, regarder Full House ne va pas t'aider à brûler des calories. Donc, okay. C'est ce que ça veut dire, ce qu'on en retient. Donc, on essaie de voir si une émission plus active, il y a plus de plaisir à les faire perdre plus de calories aux gens. Drôle d'expérience, je trouve. Quand même! Pas convaincu de celle-là, il me semble. Mais bon. En fait, je pense qu'il n'y en a aucune qui m'a convaincu là-dedans, qui valait la peine d'être faite. Voilà pour cette partie de son foutu palmarès. Il nous reste... je réserve ça pour l'autre fois. Des fois, je les annonce, puis je les fais pas. Fait que je les annoncerai pas. Hein. Alors, on va entendre Le Roi Soleil de Mordicus. Ah oui! Ça pourrait être la chanson thème de notre été. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, avec un petit son de guitare, puis des gens qui regardent la caméra. Mettons en vedette Le Roi Soleil. Dans le rôle du Roi Soleil. Lui-même! Sans réponse. Dans l'irrationnel, la vérité personnelle. Alors je crois en moi et peut-être en toi. J'aimerais savoir Mordicus et le Roi Soleil. Au retour, on parle de Lapin Lapin, une pièce de théâtre. Oui, monsieur. Oh, ça va avoir de la classe, ça. Assemblage requis, reste là. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon, vous êtes toujours à Assemblage requis, les Jean-Philippe Chabonneau. Et les Mathieu Plante. Oui, on a le plaisir ce matin de recevoir une invitée spéciale. C'est Madame Alexandrine Pichessia. Bien, bonjour Mathieu Plante et Jean-Philippe Chabonneau, ça va bien? Oui, ça va bien, et toi? Oui, j'aime bien le Madame avant mon nom, je trouve que ça me caractérise très bien. C'est ça, Mademoiselle? Oui, Mademoiselle, ça fait plus chic. Oui, c'est ça. Merci. On te reçoit d'habitude le mercredi pour ta chronique La Crème de la Crème, et tu serais habitué de voir Stéphanie Paradis là, oui. À la place de Jean-Philippe Charbonneau, il va falloir faire avec. Eh ben, on fait comme c'est ça. C'est correct. Hein? Ben, la semaine dernière, c'était ça, mais ben, fallait pas le dire. Non, oui. c'était Steph la semaine passée, c'est ce qui était viril plus. Oui. On va écouter les émissions la semaine passée. Donc, Alexandrine Pichessir, qu'on reçoit pour la pièce de théâtre Lapin-Lapin. Oui. Et tu as des invités avec toi que je te laisse présenter. Des invités très spéciales, très spéciaux. Ouais. Oh, je sais pas au pluriel, qu'est-ce que c'est? Spéciaux. Alors, spécial en espagnol. Ouais. c'est les assistants à la mise en scène, Isabelle Marchand et Benoît Pruneau. Bon matin. Bon matin. Bon matin. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Ça va très bien, merci. Yay! Dans le fond, Lapin Lapin, c'est présenté par le Théâtre des Nouveaux Compagnons cette semaine et la semaine prochaine à la Maison de la Culture de Trois-Rivières. Les garçons, j'espère que vous allez venir. Ben là, pas mal le choix, dites même, hein? Ben oui, c'est ça. Parce que, on aurait l'air de quoi? Ouais. En plus d'avoir une mise en scène exceptionnelle, il y a des comédiens de renom, je tiens à le souligner. On lui parle. Dont Mademoiselle Pichessier. Oui! Et M. Zwicky aussi, qui fait de la radio assez fou. Tout à fait, oui. On le connaît, il fait de l'improvisation aussi, on le côtoie pas mal fréquemment. Oui, ben on va revenir sur les comédiens plus tard. Alors, pour commencer, Lapin Lapin, c'est une pièce d'une auteure française qui s'appelle Colline Serrault. Isabelle, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'esthétique d'écriture de Colline Serrault, un peu sa personnalité et son style? Oui, bien en fait, Colline Serrault, c'est une auteure française. Elle a fait plusieurs films connus, dont La Crise, Trois hommes et un couffin. Elle fait beaucoup des comédies satiriques, un peu avec une critique sociale, beaucoup de valeurs féministes. Elle défend beaucoup le domaine du travail, les conditions de travail. Puis dans Lapin-Lapin, on parle de syndicats, de politique, de toutes sortes de choses. Donc, ça va être à voir. C'est quand même drôle qu'on présente ça la semaine après les élections. Ben oui. c'est un beau lien. Mais c'est un bel adon. Tout à fait. Oui. Puis c'est vrai qu'il y a vraiment une grosse partie politique dans la pièce. Puis c'est vraiment à voir, vous allez aimer ça. Colline Serrault, c'est elle qui chantait « Colline Serrault, Serrault, whatever will be ». Non, c'est n'importe quoi. Serrault, c'est... Ça, c'est « Que sera, sera ». Ah, excuse-moi. Ah, ben voyons, Mathieu, t'es classique. côté mise en scène, est-ce que vous avez une mise en scène particulière ou quelque chose différent? Ah, mon Dieu, Seigneur. Ça, on en a jasé beaucoup, la mise en scène de ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on s'était dit qu'on était pour faire ça. Ben, dans les depuis longtemps, on faisait tout le temps des mises en scène épurées au Nouveau Compagnon. Là, on a décidé de vraiment planter un décor, faire ça le plus réaliste. Je vais dire le plus réaliste possible, tout en, bon, on va éliminer le superflu, tout ça, mais vraiment mettre des murs, mettre des fenêtres, mettre un décor, finalement. Là. Une esthétique à l'André Antoine, un peu, dans l'hyper-réalisme. Oui, oui, oui. À part qu'on n'a pas fait venir les boiseries de Paris, par exemple. Non, ça n'a pas rendu là. L'action, puisqu'on parle de décor, est-ce que ça se passe tout au même endroit dans Lapin-Lapin? Est-ce qu'on bouge dans la pièce? Ou on reste, si on... en fait, oui, en tout cas, présentement, là, je calcule deux endroits. Il y a deux endroits. Ouais. Mais règle générale, je dirais que ça se passe à peu près tout le temps au même endroit, là. Ça se passe dans une famille, dans un petit appartement, dans une famille française, tricotée serrée. OK. Tout passe pour être comme un... Comment je peux dire ça? C'est, on pense que c'est... on sauve les apparences dans, okay. dans cette pièce-là. On veut tout le temps... monsieur est aux études, le plus vieux est aux études, le plus jeune, il est à l'école, tout va bien. Puis là, ben, tout à coup, là, tout... Il y en a un qui divorce, il y en a un qui, finalement, il était pas aux études, il foxait à l'école. Il y en a un qui... ce n'est que du rebondissement comme ça. Et c'est pour ça que c'est une pièce qui est vraiment spéciale à voir, dynamique, parce qu'on s'attend pas à tout ce qui peut leur tomber sur la tête. OK. Et puis ça l'arrête plus. En plus, à la fin, t'es comme, mon Dieu, est-ce qu'ils vont être capables d'en prendre encore? Puis c'est quelque chose. Puis vraiment, Colin Serrault, elle a un style d'écriture vraiment qui lui est propre, avec beaucoup d'énumération, des textes qui sont... Ben, pour moi, ça va bien, mais pour certains comédiens, impossible à apprendre. Pour moi, ça va bien, je suis tellement bonne. Non, mais j'ai pas beaucoup de répliques. Mes répliques, c'est des petites répliques short. Tu sais, ça s'apprend tout seul. J'ai le rôle de muet. Dans le fond, je joue l'arbre en arrière. Ah oui, oui. Mais comme ceux qui ont des monologues, là, vraiment, je leur lève mon chapeau parce que c'est vraiment pas évident. Ton chapeau, d'où sortirait un? La fin! Ah, oh, OK. Alors, premier gag, oui. C'est bien. OK, ils ont le comptaient pas, tantôt. Je ne les ai pas remarqués. Non. Puis c'est Martin Bergeron qui fait la mise en scène. Martin Bergeron fait sa première mise en scène, en fait. Ça fait longtemps qu'il fait du théâtre ici à Trois-Rivières, mais c'est la première fois qu'il signait une mise en scène d'une pièce. Qui lui est propre et ça lui va très bien. Oui, c'est vraiment un excellent directeur. Côté direction d'acteur, là, vraiment, j'ai appris énormément. Puis c'est une pièce qui, d'après moi, ça fait changement de ce qu'on a vu, surtout cette année, dans le théâtre amateur trifluvien. Oui. Ben c'est quelque chose que cette année, on voulait. C'était qu'on voulait rajeunir un peu l'auditoire. Alors, on a dit de rajeunir aussi ceux qui font les pièces. Donc, on est allé chercher des nouveaux noms. Il y a eu Yves Deguire qui s'est pointé cet automne pour Beaucoup de bruit pour rien. Là, ce printemps, c'est Lapin avec un autre nouveau nom qui est Martin Bergeron pour la mise en scène. Martin Bergeron, ceux qui ont vu l'an passé ont vu Don Quichotte. Hey, c'était bon ça. C'était il nous a offert un Don Quichotte assez merveilleux et mémorable. Donc, cette année, ben, il a décidé de partager son savoir, partager son expérience. C'est vrai que c'est un comédien d'expérience, mais moi, ce que je trouve vraiment amusant, ben, c'est pas amusant, mais ce que je trouve vraiment intéressant dans Lapin, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux comédiens, que c'est peut-être pas leur première fois sur les planches, mais avec les nouveaux compagnons, comme si on pense à Nicolas Arsenault, Gabriel Côté, qui sont ici à l'université au certificat d'interprétation, qui jouent avec nous. Il y a moi, Alexandre, qu'on a déjà joué, mais qu'on est quand même tout jeune. Sinon, dans les comédiens comme plus d'expérience, il y a José Dargy. Et j'ai oublié le nom de mon père, ça va pas bien? Jacques Brunet, qui sont vraiment des comédiens d'expérience, puis c'est vraiment un plaisir de jouer avec eux, vraiment. Mais là, j'en oublie, je pense. Rolande. Oui, Lambert. Oh mon Dieu, Rolande Lambert, qui était enseignante au cégep de Trois-Rivières en théâtre. Oui, oui. Puis vraiment, là, c'est une belle brochette de comédiens. Mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu du Théâtre des Nouveaux Compagnons, qui c'est comme la compagnie qui parraine Lapin? Ah, le Théâtre des Nouveaux Compagnons, c'est la plus ancienne troupe de théâtre à Trois-Rivières. Amateur française en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, en fait, c'est parce que c'est Trois-Rivières au Québec, même ça. Puis on n'est même pas sûr si... Là, présentement, on revendique francophone, mais c'est peut-être même plus ancienne troupe de théâtre amateur, point, en okay. Amérique. Ah ouais? Wow! Donc, tu sais, qui marche tout le temps sous la même dénomination, c'est-à-dire les compagnons. Et puis, c'est ça. Puis, ça fait depuis 1920 qu'ils sont là. Et puis, ils sont basés à Trois-Rivières. Ils sont passés par plein de phases, tout ça. D'ailleurs, il y a une page sur Wikipédia qui a été montée oui. sur la troupe. Isabelle et moi, on a un peu contribué. Puis c'est ça, et puis c'est ça, c'est une troupe qui ça fait longtemps qu'ils roulent leur boss. Et dans les dernières années, c'est sûr qu'on a reconnu un certain recul de l'auditoire parce que Internet est arrivé. C'est comme ça un peu partout. Dans n'importe quel les spectacles, l'industrie du spectacle, on est moins tenté de réserver sa soirée pour un spectacle. On va plus aller glaner un peu partout en restant chez nous. Mais c'est vraiment une expérience à redécouvrir le théâtre. Moi, je dirais à Trois-Rivières, c'est quelque chose qui est important. On va voir. On va y aller avec un mettons. On va dire ça. Puis c'est votre combienième saison? Présentement, on est à la 93e. On s'approche de la 100e saison. C'est vraiment impressionnant. C'est ça. Depuis 1920, donc en 2020, on va être à notre 100e saison. Et c'est ça, on prévoit plein de choses pour la 100e saison, mais là, pour le moment, là, on n'est pas encore rendu là. On a plein de choses à régler avant. Oui. Tu as parlé de plusieurs pièces du passé. Combien il y a de pièces dans une année typique, mettons, du Théâtre des Nouveaux Compagnons? Est-ce que vous en faites plusieurs par année ou est-ce que c'est... On fait deux productions par année, une à l'automne, au mois de novembre, et une en avril. Présentement, c'est ça. On prévoit aussi cet été, peut-être qu'on va avoir quelque chose, mais là, je peux pas en parler trop. C'est en suspens. C'est ça. Règle générale, c'est tout le temps deux productions par année. Okay. Parfait. Mais pourquoi pas trois éventuellement? Présentement, c'est ce qu'il faut, c'est être capable de réserver la salle, réserver les effectifs, mobiliser les gens. C'est pas toujours au même endroit. Hein? Est-ce que c'est toujours au même endroit? Oui. Présentement, oui, c'est toujours au même endroit, c'est-à-dire à la salle Anaïs Allard-Rousseau de la Maison de la Culture. D'ailleurs, là, présentement, Lapin-Lapin, c'est là qu'ils vont jouer aussi. C'est ça. On s'en va là après l'entrevue. On s'en va monter les décors, là, parce qu'on va faire des répétitions, les générales et tout ça. Parce que la première, c'est jeudi prochain. Donc, on se prépare, là. On est fébrile. Mais là, je me sens mal. J'ai oublié comme un nom principal. J'ai oublié Lapin. Le personnage. Le personnage de Lapin. Qui est interprété par William Brouillette. C'est mon petit frère dans la pièce. Puis je l'aime tellement, là. Vous devriez venir juste pour le voir puis faire comme... Oh! Il est tellement cute quand il joue, là. Il est comme beau, là, puis t'as le goût de donner des petites claques s'il joue. T'as donné un petit bec en pincette, là. Ah oui, vraiment. Puis est-ce que c'est la première fois qu'il joue? À ce que j'ai su, non. Mais c'est ce qu'il a fait auparavant, c'est surtout dans le domaine scolaire, à l'école. C'est-à-dire secondaire, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il est. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes vont voir la pièce à cause de William. Ben là! Vous faites bien. C'est correct, ça. Donc, ça a lieu du 10 au 19 avril. Est-ce que c'est tous les soirs? C'est à quelle heure? Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on sort des jours? En fait, c'est pendant les deux prochaines fins de semaine. Oui. Jeudi, vendredi, samedi. Dimanche pour la première semaine, puis on joue dimanche à 13h. C'est ça. OK. Alors, si vous voulez amener vos grands moments, là... C'est parfait. La journée idéale, la matinée. Oui, là, ça, c'est dimanche, la journée des grands-mamans. Ça, c'est la journée des grands-mamans et des petits-enfants. Okay. Donc, c'est jeudi, vendredi, samedi, et ensuite jeudi, vendredi. Samedi. Jeudi, vendredi, samedi, l'autre semaine. Plus dimanche. À 20h. Dimanche, le dimanche 13, à 13h. D'accord. Il y a des affiches un peu partout. On peut aller voir sur le Facebook aussi. Les heures sont là. On peut acheter les billets sur le site dansspectacle.ca. Oui. Oui. Entre autres. Sinon, à la porte. Puis, il y a un rabais étudiant, hein, autour de l'université. Je pense que c'est 15 pour les étudiants. C'est 15 $ pour les étudiants. 18 $, là, c'est le prix régulier. Puis, si vous montez un groupe de 10 personnes ou plus, ça coûte 12 $ chaque personne. Ça fait que c'est très bien. On vous met de la pression, là. Oui. Ouais. On va s'enseigner sur, comme j'ai dit, Facebook et aussi lesnouveauxcompagnons.com. Il y a une page Lapin-Lapin là-dessus. Oui. Pour vous serrer Lapin-Lapin, ça. Mais moi, j'attends le jeu de mots de Jean-Philippe, là. Mais c'est pas un jeu de mots. En fait, Mathieu et moi, on aime bien faire les slogans. Oui. Donc, c'est ça. Sur l'affiche, on aurait pu marquer Lapin-Lapin. C'est une pièce qui fait... Une pièce. Une pièce qui fait de la boucane, mais que tu veux pas t'en serrer de là. Tu sais, parce que quand il y a de la fumée. Tu dis lapin. Ah oui! Mais oui, parce que si tu veux que la boucane s'en aille. Ben mais oui. Là, c'est pas ça que tu veux. Mais non. Ah. Ben oui. C'est ça que j'ai préparé depuis le début. Ben oui. T'imagines-tu comme je travaille fort? Ben non. on remercie l'effort. Oui, merci. Ben moi, j'aime ça, c'est beau. Ben oui. Ça met de la vie. Toi, t'en as-tu une, Mathieu? Non, j'ai fait les miennes, puis c'était juste des chansons, puis j'étais pas bon. Donc, Alexandrine Pichessé. Oui. Merci, Benoît et Isabelle. Merci d'être venu, hein, puis venez nous voir, c'est vraiment important. On rappelle, du 10 au 19 avril, les Jeux du vendredi samedi, ainsi que le dimanche de 13h. Oui. Dimanche de 13h. Le dimanche de 13h. Oui. Voilà. Merci à vous trois. Merci. Bonne journée. Vous êtes toujours à Assemblage Rocky, l'émission matinale en pièces détachées. On est dû pour un peu de musique, moi, je pense. D'accord. Moi, on est dû. On est dû pour un petit peu de porn. Oh. Le matin, comme ça. Ben oui, à froid. Ah, ouais. Quelque chose de sexy, comme ma voix. Est-ce que t'as perdu ton rhume, finalement? T'avais un rhume la semaine passée, il y a deux semaines, c'est ça? Non. Non, t'as pas de rhume? C'était pas moi, Mathieu. Mais là, j'ai une petite voix nasale, j'avoue. Ouais. Mais je peux-tu la présenter avec ma voix sexy? Oui, c'est la pornographie de... C'est Alexandre, c'est écrit sur le côté. OK, alors, c'est écrit sur le côté. Alors, nous allons écouter David Duguerre. Ouais. Avec Casablanca. Vous êtes à Assemblage Rocky, c'est fou, 89. Oh, le petit « à la fin, hein? Ça ajoute quelque chose. Les enjeux de ma lignée qui se consument peu à peu, ici et grâce à toi. Alors c'était comment? La douceur, la rudesse, la dureté et le temps. Déshabiller mes peurs dans ta chambre testament. Mais dis-moi, je veux apprendre les couleurs, les odeurs de la beauté d'un langage que je ne comprends pas. Mais dis-moi comment, comment c'est pour toi. Et si mon cœur t'appelle et dans un élan une nouvelle, alors c'est moi le trésor. C'est moi le trésor. Mais dis-moi comment, comment c'est pour toi. Et si mon cœur t'appelle et dans un élan une nouvelle, alors c'est toi le trésor. C'est toi le trésor. C'est toi le trésor. Et si mon cœur t'appelle dans un élan, une nouvelle, alors c'est moi le trésor. David dit Alexandre Giguère. Oui. Avec la chanson La pornographie. La pornographie. La pornographie. Avec lapin. Lapin, lapin. Ah oui. Ouais. Donc, tu sais, tantôt, on a commencé son foutu palmarès. Oui. Il m'en reste encore un peu. Donc, voici une deuxième partie de son foutu palmarès. Parfait. Son foutu palmarès, la collègue, on établit une liste sur un sujet particulier. Cette fois-ci, on fait le top des rêves très communs et ce qu'ils veulent dire. Intéressant, tu sais. Oui. Donc, l'interprétation des rêves, c'est pas une, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de science derrière ça. La majorité des scientifiques modernes et des psychologues acceptent les rêves et leur raison d'être comme des mystères irrésolus. Mais il y a quand même des gens qui essaient de trouver des raisons à ça. Donc, pour essayer de comprendre, on a demandé chez mentalfloss.com à 4 auteurs différents. Donc, Laurie Lowenberg, qui a écrit 3 livres sur le sujet. Ian Wallace, un psychologue des rêves. Russell Grant, qui a publié The Illustrated Dream Dictionary. Et Lauren Lawrence, qui a une colonne dans un journal, dans le New York Daily News, okay, qui parle de l'analyse des rêves, imagine. Wow! Nous, on a des chroniques sur la vie de tous les jours dans un campus, mais là, une chronique sur les rêves. C'est un peu bizarre. Hier, j'ai rêvé. Hier, oui, c'est ça. Hier. C'est Louise Deschâtelet qui fait ça. Donc, commençons par le rêve classique de tomber. OK. Tomber dans les airs, tu sais. Tomber là. Tomber dans les airs. Oh, on était pas sur la même chanson. Je savais pas qu'il y avait deux chansons de tomber. Non, ben là, je l'ai adapté, Mathieu. Ah! C'est ça, toi, t'es un... J'ai tellement bien fait ça que t'as cru que c'était une vraie chanson. Comme de l'eau sur le dos d'une poêle. Oui, pareil. De la cuillère. Donc, tomber, c'est un drapeau rouge de la part de ton inconscient, nous dit Lowenberg, une des quatre personnes. Elle croit que ce rêve-là est commun chez les personnes qui ont un problème majeur dans leur vie, soit au travail, dans leur relation ou ailleurs. Donc, c'est vraiment, ils ont un problème, donc ils tombent. C'est un drapeau rouge de la part de ton inconscient. Eh bien, OK. Ensuite, les dents qui tombent. Les dents qui tombent, les ex... hein? Moi, ça m'est jamais arrivé de tomber non. dans un rêve. Puis les dents qui tombent non plus. Le tomber, non, j'avoue que moi, je me réveille souvent, ben, pas souvent, en fait, ça fait vraiment très très longtemps, mais en sursaut, et t'as l'impression d'avoir tombé de quelque part, d'être tombé. Je sais pas. C'est, je veux dire, je me réveille instantanément quand ça m'arrive. Les dents qui tombent, les experts sont pas vraiment d'accord là-dessus. Wallace croit que les dents sont un symbole de pouvoir et de confiance. Ce rêve-là serait apparemment un signe que quelque chose est arrivé dans la vie du rêveur qui lui a fait perdre confiance en elle-même, en lui-même. Ah. Eh ben. Selon Grant, les dents sont de mauvais augure. Ils représentent la fin d'une relation. Lawrence a une réponse aussi à ce rêve-là. Pour les femmes, elle croit que le rêve est un exemple dans le fond, que tu souhaites quelque chose. Donc peut-être que tu voudrais tomber enceinte. Pour les hommes, c'est un désir de stimulation sexuelle. OK. De perdre ses dents dans son rêve. OK. Ah ben. Se présenter, celui-là c'est un classique aussi, se présenter au travail ou à l'école nu. Ça représente la vulnérabilité, l'anxiété, l'angoisse. Wallace a fait des recherches qui révèlent que ce rêve-là est commun chez les gens qui ont accepté une promotion, qui se sont donc qui sont partis pour un nouvel emploi ou qui arrivent dans l'œil du public. Donc c'est ce que ça représente. C'est l'angoisse. Ensuite, un examen. Tu rêves à un examen. Seulement, les perfectionnistes ont apparemment ce rêve-là de façon récurrente. Donc, c'est un test, un examen stressant auquel on rêve. Lawrence dit que le rêve rappelle à la personne de rester alerte, donc de rester vif. Lowenberg croit que chez les adultes, ce rêve-là est un parallèle entre l'école et le travail. Donc, étant donné que les deux endroits sont remplis de situations stressantes, Lowenberg associe ce rêve-là avec le stress au travail. Okay. Donc, c'est un examen stressant, c'est que tu es stressé au travail. Voilà. Bon. Ben, intéressant. Voilà. Ouais. Mourir. Mourir. Ce rêve-là révèle le souhait de terminer quelque chose dans sa vie. Donc, soit une relation, un emploi, un choix de carrière ou même le passé. Donc, on veut arrêter ça, on veut terminer ça. C'est un rêve qui est fait pour encourager la personne à embarquer dans une nouvelle aventure ou un nouveau départ. Donc, la mort pour le renouveau. OK. Rencontrer une vedette. Donc, la vedette en tant que telle, la personne que tu rencontres a un lien, un rapport. Donc, c'est pas juste rencontrer une vedette au hasard. Ça pourrait révéler le talent que la personne qui rêve trouve important. Donc, si mettons, tu rêves à une chanteuse, peut-être que tu trouverais que son talent, la chanson, c'est important pour toi. Les vedettes, les célébrités sont un symbole d'un besoin de reconnaissance. OK, OK. Nous disent-ils. Bah ouais. Ben, quand même. C'est possible. Ensuite, se faire courir après, se faire chasser pour chasser, si on veut. C'est un signe positif. Donc, c'est Wallace, dans ce cas-ci, qui croit que ce rêve-là est supposé encourager le rêveur à enfin faire face à un problème qu'il a au-dessus de sa tête depuis un long bout de temps. Donc, Lowenberg, de son côté, croit que ce rêve-là arrive plus souvent chez les femmes que chez les hommes, à son expérience. Bon, donc, il faut affronter ses problèmes quand okay. on se fait chasser. Bon. Ensuite, quand on rêve à un partenaire qui te trompe, Hein, donc, ce rêve-là qui ne devrait pas être pris comme de la clairvoyance ou de la bonne aventure. donc, le rêve du trompeur, si on veut, arrive lorsque ton copain, ta copine, passe trop de temps et son attention sur quelque chose d'autre qui n'a pas rapport avec toi. Lawrence note un manque de confiance dans une relation romantique et c'est ce qui va faire amener ce rêve-là dans ta tête. C'est un manque de confiance ou encore que l'autre personne passe trop de temps ailleurs. Arriver en retard à quelque chose, à un événement, à un rendez-vous. Et le prochain rêve qu'on essaie d'analyser, donc un signe que quelqu'un est surpassé. Donc, il en a par-dessus la tête, en fait trop. Ça, c'est selon Wallace. Grant, par contre, interprète ça comme un avertissement. Ne faites pas des promesses que vous n'arriverez pas à tenir. Okay. Donc, c'est ce que tu devrais faire quand tu fais ce rêve-là. Voler maintenant. Voler, on aimerait tous voler. On rêve à ça des fois. Donc, c'est... I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Donc, ça encourage une personne à laisser tomber ses problèmes de la vie de tous les jours et permettre aux choses de se remettre en place par elles-mêmes comme un casse-tête. De la même façon, donc, voler est un signe qu'il y a une situation hors de ton contrôle dans ta vie. OK. Un signe qu'il y a une relation... Ouais, c'est quelque chose hors de ton contrôle. Être enceinte maintenant. Un signe que le rêveur ou la rêveuse, potentiellement, a des problèmes. Donc, Lawrence dit que c'est un besoin, soit de commencer un nouveau projet créatif, ou encore, ça pourrait être en effet de devenir parent. Mais sinon, ça pourrait être juste un projet que tu voudrais avoir, ou le rêve pourrait représenter une nouvelle idée qui est récemment arrivée dans la tête de la personne. Donc, une nouvelle idée provoque un rêve de femme enceinte. Okay. Ensuite, conduire un véhicule hors de ton contrôle. Donc, tu conduis ton véhicule par le contrôle. On dit donc que t'as pas assez de contrôle sur ta route vers le succès. C'est quand même assez facile, ça c'est Wallace qui dit ça. Grant avertit que c'est un signe qu'une mauvaise habitude que t'as présentement pourrait devenir un problème à long terme. Ok. Étrange, donc une mauvaise habitude, ça pourrait devenir quelque chose de plus long, mais peut-être ouais. Commencer à fumer, quelque chose comme ça. Étrange. Pas manger tes croûtes. Pas manger tes croûtes. Tout le monde a cette mauvaise habitude-là, on voit tout le temps ça. Ouais. Donc voilà pour ça. Je me demandais si on y allait avec... il reste comme 2 minutes, là. Pas sûr d'avoir le temps de passer au travers. On va y aller très rapidement. Le mois d'avril a plusieurs fêtes. OK. Donc, le 2 avril, c'est la journée internationale des livres pour enfants. Ah ben. On célèbre ça le jour de l'anniversaire de Christian Anderson, un auteur. Donc, c'est quand même intéressant. Le 5 avril, c'est la journée nationale de la Deep Dish Pizza. Ah, oh, on a raté ça. Oui, c'était quoi? En fin de semaine, on aurait dû garnir d'une pizza Deep Dish. Donc, à Chicago, que c'est né dans le restaurant Uno. Voilà, c'est eux qui ont le crédit pour avoir inventé cette pizza Deep Dish. Le 7 avril, aujourd'hui, c'est la journée nationale de la bière. C'est l'anniversaire de la signature de l'acte Cullen Harrison qui a commencé en 1933 qui permettait aux gens d'acheter, de vendre et de boire de la bière de nouveau après la prostitution. La prohibition. En tant qu'il y a moins de 3,2% d'alcool par volume. Le 8 avril, c'est la journée Soyez gentil avec votre avocat. Okay. Le 10 avril, faut-il avoir un avocat? Faut avoir un avocat. Le 10 avril, la journée nationale des frères et sœurs. OK. Parfait. Le 11 avril, la journée nationale Louis-Louis pour l'anniversaire du compositeur de Louis-Louis. Louis-Louis-Louis-Louis. C'est Richard Berry qu'on célèbre. Le 14 avril, la journée de l'assistant du pathologiste. Pathologiste, donc un physicien. Il y a bien des journées par rapport. N'importe quoi. ensuite, le 15 avril, la journée nationale de devine un peu, genre take a wild guess, devine. Et la journée nationale de ça c'est poche, that sucks day. Parfait pour coïncider avec la journée des impôts, nous dit-on dans l'article. Le 17 avril, c'est Nothing Like a Dame Day. Donc, c'est la journée où on célèbre les dames. OK. D'accord. Donc, les dames, j'imagine, dames, celles qui ont reçu le titre de dame. Oui. Comme l'autre reçoit le titre de chevalier. Quand tu joues, si tu joues au poker, c'est les dames qui gagnent. Oui. Damn! Damn! Damn! 19 avril, la journée nationale de étendre son linge dehors. Ses vêtements dehors. Pour sauver de l'électricité, quand on a besoin de l'électricité. Le 21 avril. Fais ça en juillet, tu sais. Un truc qui fait beau. Ah, évidemment, c'est peut-être pas au Québec, c'est là. Le 21 avril, la journée nationale des Bulldogs Are Beautiful. Le 22 avril, National Jelly Bean Day. Ah, ça, j'aime ça, la journée des Jelly Beans. Ah, évidemment, c'est parfait pour être juste après Pâques. Donc, ah, ben oui. Mais là, ça c'est un addon cette année. C'est un addon. Un guinadon, comme on dit. Oui. Le 26 avril, la journée nationale Go Birding Day. Donc, on va construire une petite maison pour les oiseaux. On va amener ses jumelles dans le bois. Puis comme Hugh Hefner, on amène ses jumelles dans le bois. Ben oui. Okay. C'est juste un jumeau de jumelles, Playboy. Wow. Oui, mais je l'ai compris, c'est un retardement. T'as tout ça? C'est parce que je l'ai expliqué aussi, mais. Oui, ouais, mais non, mais c'est. Ouais, imaginons. Continuons. Le 30 avril, la Journée nationale du jazz. Internationale du jazz. C'est les Nations Unies, le United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, qui est responsable pour cette fête-là, qui célèbre sa 4e édition cette année. Ben, finalement, au moins, on en a un de bien, tu sais. Oui! Là-dedans. Le jazz. Alors, tu parlais des jelly beans, toi. Ben, ou oui, des jumelles. Des jumelles. Moi, je parlais des jumelles. Voilà, pour son foot palmarès. On a eu le temps, finalement. C'est rien de bien compliqué. Voilà, oui, c'est ça. On a terminé son foot palmarès, mais ça veut dire qu'on a aussi terminé l'émission d'aujourd'hui. Ben oui. Malheureusement, on doit se dire au revoir. On finit sur un high de jumelles, comme ça, là. Ben oui. On remercie Alexandrine Pichessir ainsi que Benoît et Isabelle de la pièce Lapin-Lapin. Oui, manquez pas ça. C'est tout. Mais non, ça commence ce jeudi. Oui, tout à fait. Donc, demain à l'émission, qu'est-ce qu'on a? On a, attends un peu, on a Alexandre Carignan qui va être là pour nous parler d'art et spectacle dans le temps d'une culture. C'est entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30 demain matin. C'est pas mal ça, restez sur nos ondes, hein. Sur C'est fou, aujourd'hui, il y a plein de bonnes émissions. On est lundi, donc évidemment, le dîner de con va s'en venir à partir de 11h avec Danny Janvier. Ensuite, les précieuses ridicules à 13h. 16h à vos micros, 18h, raconte-moi ta ville, 19h, le voyage insolite, 20h, rock de neurones, mais dans quelques instants, dans moins d'une demi-heure, ce sera Steve devrait arriver, l'émission de variété à 10h. Ça va arriver. Steve.ca. Pour la programmation complète, Mathieu. Les entrevues, les contacts. Contacts, oui. Partenaires. Ouais. Mission. Ouais. C'est ça, accueil. Notre mission, tu l'as dit, c'est. T'as dit émission ou mission? Émission, l'émission. Mais aussi admission, la station. Ouais. Aussi. Assemblagewaki.com. Pour les balados diffusion et les notes de l'émission, Mathieu. Ouais, sûrement une galerie de jumelles. Oui. À demain, JP. À demain. Bonne journée.